Nous sommes presque au complet, nous sommes 4 sur 5. C'est pas mal, c'est un petit score. Où est le dernier? Nous allons voir. Alors ce que je vous propose, pendant qu'il s'installe, on va gagner du temps tout de suite, je vais vous présenter nos invités. Il y avait une musique de Rocky qui faisait grandiloquent et tout, mais on n'a pas les moyens. Donc, il est éditeur chez Delcourt. Il est éditeur chez Delcourt, il a quelques petites pépites, comme la série Walking Dead à son actif, ou Star Wars, voilà. Il vient également de créer son propre super-héros, le garde républicain. Hey, il s'appelle Thierry Mornay, donc c'est notre premier invité de ce soir. Et lui, il est scénariste de comics, mais aussi traducteur de comics, conférencier sur les comics, essayiste sur plein... Enfin, voilà, il a écrit une biographie sur Stan Lee, un dictionnaire sur les super-héros. Il vient de sortir un bouquin extrêmement complet et documenté qui est disponible au stand que vous trouverez dehors, qui s'appelle Comics et Contre-Culture. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, monsieur Jean-Marc Lenné. Et maintenant, je vais me décaler pour que vous voyez bien nos deux sartois de ce soir. Puisqu'il est dessinateur de comics, passionné de super-héros, passionné de comics old school. Il a gribouillé donc il y a quelques mois une BD scénarisée par Stan Lee, le pape des comics. Il vient de sortir une compilation d'histoires de science-fiction dont les bénéfices sont allés au Téléthon, puisque cet homme est généreux, en plus d'être sartois, et il s'appelle Chris Malgrin. Et le dernier est un fan furieux de comics, et l'expression n'est pas galvaudée, puisque lui, par exemple, quand il veut se faire plaisir, il s'achète un dessin original qu'il représente en train d'être Spider-Man et de porter Stan Lee sous son bras, comme la célèbre première apparition de Spider-Man en couverture. Il va aux États-Unis se faire dédicacer son truc par Stan Lee, il claque des milliers d'euros, puis il rentre, puis il l'affiche dans sa chambre, et puis il est content. C'est probablement le plus grand fan de Spider-Man de toute la ville du Mans, et il s'appelle Alex. Alors, j'ai tout écrit au début pour qu'on lance un peu la machine, et puis après, ce sera un peu à la cool. On va tenter ensemble de répondre à la question « Les super-héros ont-ils perdu leur âme d'enfant ?» C'est un truc prétexte, parce que connaissant Jean-Marc Lenné, on n'arrivera pas à tenir ce thème, et on va s'éloigner du thème. Voilà, c'est sa spécialité, on va se perdre en route. Voilà, ça dépend, ça fonctionne comme ça. Ça va durer une petite heure, un peu moins d'une heure, et puis vous aurez la parole si vous avez des questions à leur poser. Et si jamais dans la nuit vous avez des questions qui vous sont venues, son numéro de téléphone, vous pouvez l'appeler. Voilà. Et Thierry et Chris seront à votre disposition demain à partir de 13h ici même pour une séance de dédicace qui sera un peu plus longue et sur laquelle vous aurez le temps de participer un peu plus à la discussion si vous voulez. Normalement, on est censé foutre tout le monde dehors à 23h. On va peut-être faire un peu de résistance parce que ça risque d'être court. Ce que je vous propose, c'est très rapidement, pour planter le décor, de nous parler de votre première rencontre avec les super-héros. Et pourquoi pas commencer par ordre non chronologico-alphabétique, c'est-à-dire que celui qui veut commencer peut donc commencer. Quel est votre premier contact avec les super-héros? Honneur voilà, aux jeunes de la bande. Voilà. Alors par contre, vous ne pouvez pas prendre la parole si vous n'avez pas le micro qui sert à prendre la parole, car cette conférence est filmée et elle sera en ligne d'ici une dizaine de jours sur le site techartgeek.com. Donc vous êtes obligé de parler dans vos micros, sinon on ne vous entendra pas sur Internet. D'accord, monsieur. Bonsoir, Alex. Bonsoir. Quel est votre premier contact avec un super-héros, Alex? Donc on m'a offert, quand j'avais 13 ans, une BD. Un ami à moi qui m'a offert un Wolverine vs Bad Rock. Et je cherchais des comics partout, mais j'en trouvais pas. Je savais pas que ça se trouvait en librairie à l'époque. Voilà. Et j'étais vraiment attiré par ça. Et il m'a offert cette première BD, et je l'ai lue. Et du coup, j'ai vraiment apprécié. Et j'ai attaqué. Et après, j'ai été acheter mon premier Spider-Man en presse. Donc, qui était dans la V2, dans la version 2. C'était le numéro 28 de Spider-Man. Et puis, après, je les ai tous achetés. Mais j'ai réussi à récupérer les 27 premiers. Et puis voilà, c'est venu comme ça, tous les mois, un petit peu tous les mois. Alors le deuxième moins vieux de la bande, ce sera Chris. Alors moi, en fait, quand j'étais petit, j'ai commencé par Mickey, quand j'avais 5-6 ans, je crois. Et ensuite, j'ai lu les pockets des éditions Lug, Kiwi, Zambla. Je ne sais pas si, vu l'âge de l'Assemblée, je ne sais pas si vous connaissez. Zambla, Black Le Rock, non, ça ne vous dit rien. fait, c'était des petites BD en noir et blanc qui faisaient 13 cm par 18 et donc qui étaient éditées par Lug et qui publiaient aussi Strange, Nova et tout le Toutim. Et en fait, au dos de leur couverture, enfin au dos de leur bouquin, il y avait les couvertures justement des reproductions des pubs pour Strange, Nova et tout ça. Alors moi, je lisais que les BD de Western et tout ça, mais je voyais ces super-héros là et c'était assez fascinant, un peu effrayant en même temps. Et un beau jour, je me suis dit, ah, ça a l'air trop bien, ça, il faut que j'en achète un. Et donc, je suis rentré en avril 80 dans mon bureau de tabac et j'ai acheté Nova 27. Nova 27, c'était Spider-Man contre Carrion, je me souviens. Il y avait le Surfeur d'argent par Jack Kirby et Stan Lee. Et il y avait les 4 Fantastiques. Enfin, il y avait le dernier épisode de Nova qui, avec les 4 Fantastiques. Et le mois d'après, la série par John Buscema commençait. Donc, ça a été... le bouquin qui a fait une révolution dans ma tête, en fait, quand j'ai découvert ça. Je me suis dit, ça y est, voilà, c'est ça que je veux faire. En fait, je savais que je voulais être dessinateur depuis la maternelle, parce que je racontais à mes petits camarades que j'étais un auteur publié. Alors, c'est assez étrange. Au départ, ils me croyaient. Et puis, après, quand leurs parents leur ont dit que ce n'était pas vrai, ils m'ont dit l'équivalent de « Oh, t'es comme mytho, toi !» Voilà. Et donc, ça ne m'a jamais quitté. Ça m'a jamais quitté, cette envie de faire du dessin. Alors, bon, au départ, je lisais Mickey, après tous ces trucs-là, mais je savais que je voulais faire de la BD. Et quand j'ai lu Spider-Man, quand j'ai vu le Nova, là, je me suis dit, voilà, c'est ça que je vais faire. Je suis tombé à la fois amoureux des super-héros et de la ville de New York, qui me paraissait immense et fascinante. Et voilà, et ça ne m'a jamais quitté. Avril 80, j'étais pas né. Qui était né dans la salle en avril 80? D'accord, très bien. Merci. La parole donc à Jean-Marc Lenné, puisque Thierry va se dégonfler. Oui, c'est un timide. Moi, je crois que mon premier contact avec les super-héros est passé par la télé. Parce que dans la fin des années 70, donc effectivement, tu ne connais pas. Et des rediffs après sur Alas. Il y avait deux cartoons, un sur l'araignée et un sur les fantastiques. Et j'étais assez fidèle au poste. Et un jour, j'ai trouvé un Nova. Et ma première réaction, ça a été de me dire, tiens, ils ont adapté le dessin animé en BD. Et donc, j'ai compris au bout d'un certain temps que c'était plutôt l'inverse. Mais un petit peu comme Chris, derrière le Nova, il y avait des reproductions de couverture des autres publications du mois. À l'intérieur, il y avait la checklist des parutions. Et donc, bien sûr, je suis allé voir ma maman et je lui ai dit « Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Et je suis vraiment tombé dedans. Et puis après, j'allais lire, dès que ça sortait un petit peu, j'allais picorer. Par exemple, il y avait Superman dans Télépoche, il y avait Spider-Man dans Télépoche, il y avait Télé Junior, un truc qui a été bien oublié maintenant, mais avec des créations d'auteurs français, avec des aventures inédites de Thor, des Fantastiques, de Captain America, de Hulk, de Spider-Man. Et donc, j'étais un petit peu... j'exerçais mon sens radar pour repérer toutes les apparitions des super-héros, surtout Marvel, mais après, je lisais aussi du Batman, du Superman. J'étais un petit peu frénétique. Je suis tombé dedans, vraiment, quand j'étais petit, quoi. Oui. Moi, je suis un petit peu plus vieux que vous tous. Donc, mon premier contact avec les super-héros, c'était un contact avec une super-héroïne, parce que c'était plus agréable. Et non, je déconne. Alors, c'était en l'occurrence... Enfin, je déconne à moitié, parce que ça a été Strange 89, très exactement, avec un Daredevil qui côtoyait la Veuve Noire, voilà, qui reste à ce jour, Chris le sait, mon personnage préféré. Mais en fait, j'étais venu en fait à Strange et aux super-héros Marvel en particulier par l'intermédiaire d'un type que je soupçonne encore à ce jour d'avoir été un agent de Lug, parce qu'il m'a fait craquer un fric fou ensuite, ce type. Il a agi un peu comme un dealer de cam dans un lycée, c'est-à-dire qu'il est arrivé, il a commencé à me prêter des albums fantastiques, des Quasars, des Conan et puis des Strange, comme ça, gratuitement, juste pour le plaisir, quoi. Il ne prêtait pas la suite. Il ne prêtait pas la suite. Ouais. Donc, il a fallu que je craque tout mon argent de poche là-dedans ensuite. Et ça a débordé, un peu comme l'évoquait Jean-Marc, sur les parutions Sage Edition. Donc, c'était les Superman, les Batman, et puis bien sûr, tous les pockets noirs et blancs, les Eclipso, l'inattendu, avec d'autres matériels Marvel, justement, qui n'étaient pas publiés par Lug à l'époque. Donc, ça a été le début de la fin, quoi. C'est fini. La preuve, on est tombé dedans. Ouais. C'est mort. Et on lui donne sa vie. Mon histoire de thème, les super-héros ont-ils perdu leur âme d'enfant, elle vient aussi de là, malgré tout, c'est qu'on a tous découvert les comics en étant plus ou moins gamins. et que j'ai l'impression que si nous, on a grandi avec les comics ont aussi grandi avec nous, et qu'il y a plutôt des comics aujourd'hui qui sont adressés à des trentenaires et à des mecs qui en lisent depuis un certain temps, et pas vraiment de comics qu'on peut filer à nos gamins ou nos petits frères ou les gens qui ne connaissent pas, ou qu'on peut remettre dans les mains d'enfants de 8-12 ans, comme c'était le cas à l'époque. Par exemple, puisqu'on parlait de Spider-Man, Chris, tu sais quoi le postulat, par exemple, de Spider-Man, le Spider-Man des origines, le vrai Spider-Man ? C'est une histoire un peu psychanalytique sur le meurtre symbolique du père qui est en fait ici tellement c'est choquant, c'est le père qui n'existe pas devient l'oncle. Et en fait, c'est une histoire que je vois totalement comme quelque chose de freudien, c'est-à-dire que Peter Parker se sent responsable de la mort de son oncle, et à partir de là, la culpabilité le pousse à vouloir se racheter et à voir dans chaque ennemi qui va arrêter en fait le meurtrier de son oncle. Voilà. Et donc avec cette phrase, à grand pouvoir implique grande responsabilité. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a des pouvoirs ? Voilà, est-ce qu'on les utilise pour la gloire, la fortune, ou est-ce qu'on a une vision un peu plus altruiste en se disant, voilà, si le destin m'a donné ces pouvoirs, est-ce que plutôt ça serait peut-être meilleur de les utiliser pour le bien commun ? Voilà. Et tout ça avec un fond très sombre, était malgré tout emballé dans une sorte de papier sucré, soap opéra, de triangle amoureux, d'identité secrète, de vie de lycéen. Oui, mais c'est vrai que c'est, enfin, y a un peu d'humour, mais c'est vrai que c'est quand même assez sombre. Globalement, les 50 premiers épisodes sont souvent très sombres. C'est un peu, ça me fait penser à Candy, le dessin animé, mais bon, c'est encore un vieux truc, ça. Mais en fait, à chaque fin d'épisode, il bat son ennemi, mais il perd toujours quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a sa tante qui est à l'hôpital. Qui va mourir d'une crise cardiaque. Enfin, il y a toujours des situations comme ça. Donc à la fin, ça donne vachement envie. Non, c'est vrai. C'est, ouais, si tu le vends bien. C'est un truc tragique. Non, Spider-Man, c'est un truc tragique quand même. C'est les amours impossibles. Enfin, c'est tous ces trucs, tous les dilemmes. En fait, Stan Lee, c'est le maître des dilemmes. Voilà, des triangles amoureux, des ceci, des cela. Il faut que tu parles dans ton micro. À chaque combat, même s'il gagne, il perd toujours quelque chose. Il finit toujours défaitiste alors qu'il a quand même gagné. Le vilain est en prison. Il sait très bien qu'il va se libérer au bout de 2-3 mois et puis il va revenir. Il va le remettre en prison parce qu'il a cambriolé une banque ou quoi que ce soit. Et à chaque fois, on finit sur des épisodes de Spider-Man, où oui, justement, il est pas bien dans sa peau, il est mal dans sa vie et il trouve que la vie de justicier est injuste parce qu'il fait beaucoup de choses pour New York, par exemple, libérer supprimer les héros. Et du coup, on ne lui rend pas. On ne lui rend pas parce que justement, sa tante est malade, ou alors il n'arrive pas à aller travailler au Daily Bugle parce qu'il n'a pas assez de photos de Spider-Man. Enfin, la vie est injuste avec lui et il arrive toujours à surmonter ça et à toujours combattre le crime. Un peu comme le surfeur d'argent, d'ailleurs. C'est un peu toute la force de l'univers Marvel au moment de sa création, au début des années 60, c'est de systématiser la faille dans le personnage, en fait, et d'en faire un personnage un petit peu tragique auquel le lecteur peut s'identifier. Tu disais qu'il y avait un peu d'humour. Moi, je trouve que c'est une des caractéristiques des super-héros en général, c'est pratiquement justement l'absence d'humour. En fait, il y en a un petit peu, mais c'est des pointes comme ça, un peu éparses. Je sais pas, on retient souvent beaucoup plus les arcs extrêmement dramatiques et les choses, les arcs narratifs où il se passe des choses extrêmement difficiles, dures, et où le personnage a vachement du mal à s'en sortir. Et c'est pas forcément l'humour qui prédomine là-dedans. Quoi. C'est marrant parce que aujourd'hui la série a évolué. Cette conférence contient des spoilers. On est passé à l'arc supérieur Spider-Man, donc ce n'est plus spoiler. Peter Parker qui est dans le costume de Spider-Man mais son ennemi, et malgré le fait que les comics sont devenus un peu plus violents aujourd'hui pour être faussement réalistes, il y a de la dérision dans cet arc là et on est en même temps dans quelque chose de plus violent, peut-être un peu plus froid, et qui joue avec les codes de l'humour et de la bande dessinée. Je crois que tu as eu raison de préciser un truc, c'est quand tu as dit faussement réaliste. C'est que effectivement, aujourd'hui, depuis on va dire 10-15 ans, Il y a une et c'est sans doute lié au fait que si les personnages vieillissent avec nous, nous vieillissons avec les personnages. Donc le lecteur est un peu plus vieux et il est peut-être sensible à d'autres choses. Mais donc du coup, les éditeurs cherchent ou chercheraient à faire des trucs un peu plus choquants. Donc on va tuer un personnage parce qu'on sait que ça vend, etc., etc. Ça permet aussi de refaire un numéro 1. Oui, après la mort du personnage, qui permet de revoir. Oui, mais ça, les numéros 1, maintenant, ils font des numéros 1 un peu genre, oh, bah, on a oublié de faire un numéro 1 pour Daredevil, pour Marvel Now, bah, on va faire un numéro 1 parce qu'il faut que Mark Waid y profite un peu de son numéro 1. Alors que finalement, maintenant, tout le monde s'en fout, y compris les lecteurs. S'ils veulent le personnage écrit par Tartampion, ils vont prendre le personnage écrit par Tartampion. Et si le scénariste change, ils vont peut-être lâcher la série. Donc ça, ça devient à tel point un gimmick que plus personne n'est dupe. En revanche, oui, comme la mort de personnages, on sait bien que ce qu'on attend, si Colossus ou Captain America meurt, c'est qu'un jour... Tais-toi. On se dit, bah, quand est-ce qu'il va revenir ? Non, ce qui fait la différence d'intérêt, c'est justement qu'est-ce que va faire le scénariste dans ce contexte-là. Et je dirais, pour prendre deux exemples un peu aux antipodes, aux extrémités de l'éventail, il y a le réalisme dur, pas drôle, volontairement choquant et limite gore d'un Scott Snyder sur Batman. Et puis il y a des mecs comme Dan Slott ou Mark Waid qui vont parler de trucs durs. Enfin, je veux dire, on parle de cancer dans Daredevil et en même temps, la série, elle est fun. C'est-à-dire que les personnages sourient. Et je crois que c'est un des trucs qui moi, m'a attiré dans l'univers des super-héros. C'est que même si Spider-Man se prend régulièrement des claques au niveau de sa vie, et en fait, tu parlais d'une dimension freudienne, je dirais même qu'il y a aussi une dimension existentielle. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais là ? À quoi ça sert ? À quoi servent mes efforts ? Même s'il y a tout ça, Spider-Man, il sourit. Alors, il y a des scénaristes qui ont expliqué que s'il fait des blagues, c'est parce qu'il a peur, ce qui est très intéressant. Mais n'empêche qu'il fait des blagues, il sourit. C'est la différence entre le Spider-Man de Sam Raimi des trois films du début des années 2000 et puis le Spider-Man, l'Amazing Spider-Man de Webb, où il sourit pas, il est crispé, c'est le petit frère de Batman. C'est « Oui, je suis pas content, je claque la porte ». Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans les super-héros actuellement, c'est comment ils arrivent, comment les scénaristes avec des personnages qui ont 50 ans, 70 ans, et qui ont fait 1000 choses, mais qui ont refait ces 1000 choses 2 fois, 3 fois, 4 fois, comment ils arrivent à nous tenir en haleine ? Ils arrivent à nous tenir en haleine, à mon avis, en montrant le caractère, la capacité à positiver de ces personnages-là. C'est un peu ce qu'on a vu avec le film. Et c'est à mon avis pour ça que moi, personnellement, je suis plus touché par un Spider-Man que par un Batman. Parce que Bruce Wayne, il fait la tronche tout le temps. Je veux dire, ok, ses parents sont morts, mais enfin, il est grand et surtout, il a hérité d'une fortune immense. Donc, je veux dire, bon, ça va, quoi. C'est quand même entraîné pendant des années. Il l'a cherché, quoi. Oui, oui, oui. Non, mais voilà. Alors, c'est aussi le truc par rapport. Ce personnage-là a voulu être Batman. Les héros Marvel, ça leur tombe dessus. Ça aussi, c'est intéressant. Ça aussi, c'est un truc qui, à mon avis, nous a un peu entraînés dans ce monde-là. C'est que dans la vie, on a des tas de trucs qui nous tombent dessus, on ne les a pas demandés, quoi. Les super-héros, Marvel, c'est un peu ça. Et la dernière chose sur le sourire que j'aimerais dire, c'est que, par exemple, il y a une série Flash à la télé qui est en production. Les premières photos que je vois de l'acteur, le costume, on en pense ce qu'on veut, mais toutes les photos, Flash sourit. Moi, un personnage d'ici, sur petit ou grand écran, qui sourit, j'ai pas vu ça depuis 20 ans. Rien que cette raison-là m'attire et j'ai envie d'aller voir la série parce que je me dis, s'ils sont capables de faire un héros souriant et de le rendre intéressant alors que visiblement il n'est pas névrosé, il n'est pas psychopathe et tout ça, là, le défi, parce que je crois que c'est une certaine facilité de tomber dans le gore et dans la névrose comme on peut avoir sur certaines séries. Alors justement, pour insister un peu sur le côté humour, dans l'évolution des personnages, il y a le fait que les comics qu'on lisait sont aujourd'hui devenus des films, et ce qui est très marquant, notamment avec tous les films Marvel, c'est l'humour jusqu'à une certaine forme d'overdose, peut-être avec Iron Man 3, à mon avis. Et c'est aussi assez marquant dans le film Avengers, c'est-à-dire que plus ça va, plus les personnages se marrent, en fait, plus ils évoluent, plus il y a d'humour dans les séries? Je crois que ça dépend. Alors, pour revenir sur ce que disait Jean-Marc, ça dépend à la fois des auteurs qui sont à la tête des séries, peut-être des éditeurs d'ailleurs, parce que quand on connaît la chape et le poids qu'ont les éditeurs sur la direction que doit prendre une série aux États-Unis, et particulièrement une série de super-héros, on se rend compte que beaucoup d'auteurs et de scénaristes en particulier n'ont pas forcément beaucoup de marge de manœuvre pour imposer leur tonalité. Donc ça dépend d'une part des auteurs, et puis ça dépend des personnages aussi, parce que je vois pas beaucoup Captain America avec ce qui c'est l'ombre d'un sourire dans le film, quoi. C'est un personnage qui est éminemment sérieux, qui certes est le man out of time, le personnage qui est un peu décalé au milieu de tout ça. Ouais. Il est dans le même état que Demolition Man, qui a été décongelé et qui n'est pas très drôle non plus, finalement. Bah, effectivement, ouais, mais... Ouais. C'est vrai qu'il ne sait pas se servir des trois coquillages. Alors Captain America a l'air plus à l'aise avec sa digestion, par contre. Oui, ça va mieux pour lui. Ouais. Mais derrière, effectivement, bon, Tony Stark en fait presque une marque de fabrique. Quoi. Derrière, Thor, je suis désolé, mais je ne le vois pas beaucoup sourire non plus. Quoi. Donc là aussi, ça dépend vraiment de la nature du personnage. Quoi. Après, l'univers Marvel peut sembler de manière générale un peu plus fun, un peu plus coloré, un peu plus léger, entre guillemets, en dépit des failles des personnages que peut être l'univers DC traditionnellement. Bon, c'est un état de fait. Alors peut-être qu'on s'est bien fait picouser par Marvel d'un côté et Disney depuis quelques années pour être amené à le croire, quoi. Mais c'est un peu ce qui se dégage, c'est vrai, de l'univers Marvel en général. Aujourd'hui, si on a envie de faire découvrir Spider-Man à des kids, comme on a pu le découvrir nous, qu'est-ce qu'on leur fait lire? Pas Spider-Man. Bah, l'intégrale Spider-Man de 1962, quoi, les tout premiers. Commencer vraiment par la base, la première base. Ça, c'est si tu n'aimes pas tes enfants, parce que si tu leur donnes à lire un truc de 62, ils vont trouver ça vraiment dégueulasse. Ils se débrouillent. Hein. Graphiquement, ils vont être contents. Hein. Ah bah, graphiquement, oui, mais après, à la base, c'était pour des enfants, ces comics-là. Maintenant, les séries qu'on a maintenant sont pour des adolescents adultes. Les séries de l'époque étaient pour des enfants. Après, c'est sûr qu'il y a 50 ans de décalage. Mais il n'y a que Thierry qui a vécu cette époque, donc il peut nous en parler. Non, j'étais déjà très vieux à l'époque des premiers Spider-Man. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a probablement... Il faut mettre ça dans le contexte. On l'a évoqué légèrement tout à l'heure. Je pense qu'il n'y avait pas forcément ce calcul-là qui était fait au début. C'est-à-dire qu'on avait au départ, au début des années 60, voilà, il y avait une espèce de résurgence du phénomène super-héros à la fin des années 50 chez DC. Marvel s'y met sous l'égide de Stan Lee, mais on n'était pas encore dans une logique hyper marketée où on se disait on va faire tel ou tel personnage pour tel ou tel type de lecteur, comme on peut l'être probablement aujourd'hui un petit peu plus sous l'égide des grandes multinationales du divertissement que sont Warner d'un côté et Disney de l'autre. À côté de ça, au fur et à mesure que les années passaient, et si on regarde un peu ce qui se passait au début des années 70, où on commençait à avoir plusieurs séries Spider-Man, on est vraiment dans une logique de merchandising et on a commencé à marketer en fait les personnages et à se dire tiens, puisque ce personnage marche bien, on va faire deux séries. Et puis il va y avoir une série peut-être un peu plus sérieuse, puis l'autre qui va être un peu plus décalée dans le ton. Donc là, on a commencé un peu à plus à segmenter, à réfléchir à ce qu'on allait faire. Alors qu'auparavant, je pense qu'au début, l'idée, c'était de faire des personnages colorés, les plus abracadabrantesques possibles. Et puis, on se rendait compte au passage qu'il y en avait qui marchaient bien, et que les kids répondaient bien, et que ça se vendait. Voilà, c'était tout simplement ça. Mais il n'y a peut-être pas le calcul, en fait, dès le départ, de se dire ces personnages-là sont pour des mômes, sont pour des minots, sont pour des ados. Au fur et à mesure, on a tous vieilli avec les personnages. On continue, ou pas, d'ailleurs, à lire aujourd'hui des histoires de super-héros. Je sais que personnellement, ce n'est pas mon cas. Je lis plus beaucoup de super-héros dans ce que je lis de la production de comics américains. Parce qu'à force de voir les ficelles, peut-être qu'on se lasse. Quoi. Tout simplement, il y a un phénomène de lassitude naturelle. Je retrouve plus du tout, par exemple, le fun que j'avais à découvrir les Spider-Man des années 60 ou 70 dans ce que je lis aujourd'hui, si on spoilerise sur Spider-Man, mais c'est vrai pour d'autres séries, à l'exception de Daredevil, de Mark Waid, qu'évoquait Jean-Marc, mais qui est finalement, au cours des années 2010, un excellent comics des années 70. Quoi. Mais justement, par rapport à ce que tu dis, Thierry, je trouve que tu es le lecteur justement intelligent et raisonnable, puisque tu es lassé par les super-héros, tu n'en lis plus. Mais le problème qu'on a avec justement les super-héros, c'est que le lectorat a vieilli avec. Et au lieu justement de se dire voilà, je suis trop vieux pour ces conneries, il a exigé que les personnages grandissent avec lui. Et c'est pour moi, c'est ça la grande dérive qui n'existait pas justement dans les années 50-60 parce que le lectorat qui était ciblé était quand même les gamins. Parce qu'en fait, les gamins découvraient les super-héros vers 8-9 ans et les lâchaient à 13 ans quand ils découvraient les filles. Et il y avait des cycles comme ça. Donc on savait que le lectorat durait 4-5 ans. Et c'est pour ça que les intrigues qu'ils utilisaient dans les comics, en gros, ils les recyclaient 5 ans après pour la génération d'après. Et c'était toujours comme ça. A priori, on lâchait les comics pour les filles. Ce qui est bizarre, c'est que c'est notre génération à nous, donc à l'âge qu'on a, 40-50 ans. Bizarrement, on en lit depuis qu'on est petit. On a quand même eu des copines, et on en a toujours. Mais bizarrement, on n'a pas lâché les super-héros. C'est vrai que c'est curieux, notre génération qui n'a pas connu la guerre et tout ça. Il y a un truc d'attachement à ces personnages, je trouve, qui est très curieux. Mais effectivement, quand on connaît les personnages depuis des lustres, au bout d'un moment, pour moi, les super-héros, c'est à tous les publics. C'est pour les gamins et les adultes éventuellement qui acceptent de toujours les voir avec leur œil de gamin intérieur, si vous voulez. Par contre, le problème, c'est quand on dit « Oh ben là, c'est chiant, ça fait 20 ans que je dis Spider-Man et il en est toujours au même point. Non, c'est un truc pour les gamins, ça, non, il faut absolument que ça change. » Et c'est ça la dérive qu'il y a eu, c'est que les lecteurs ont commencé à vouloir que les personnages soient plus et des intrigues plus conséquentes, moins gamins. Et donc, on a eu avec Watchmen, l'arrivée de Watchmen et l'étude psychologique des personnages qui a bien marché, avec Frank Miller aussi et son Daredevil. Donc, on a commencé à aller vers des conceptions du super-héros qui étaient de plus en plus intellectuelles. Et par exemple, Watchmen, c'est la question de se dire si j'ai des super-pouvoirs et pourquoi est-ce que je m'habille avec un costume bariolé avec un slip par-dessus mon pantalon, etc. Donc le personnage doit être psychopathe. Donc c'est toujours c'est ça que dans les années 80 qui à mes yeux donc a commencé une dérive. Alors que pour moi le super-héros c'est simplement une métaphore. C'est un type certes qui s'habille bizarrement comme quelqu'un qui est dans un cirque quoi. Mais il n'y a pas forcément à lui trouver de motivation psychologique ou des fêlures ou je ne sais pas quoi, forcément, à tout prix. Pour moi, c'est la métaphore de ce qu'on souhaiterait tous devenir, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de faire face au destin, aux difficultés et de vaincre à chaque fois. Je pense que c'est pour ça qu'on lit des super-héros à la base. Et effectivement, quand on est trop vieux pour lire ça, ben on lit autre chose, comme Thierry. Voilà. Mais le problème, c'est non, mais c'est vrai. Trop vieux pour lire des super-héros, Thierry. Non, c'est pas ça. Je dis pas que... Non, mais quand il s'est dit, voilà, j'en ai marre, je me suis lassé, et ben, au lieu d'exiger que les super-héros changent, ben, il s'est dit, ben, voilà, je quitte la partie. Et ça me semble raisonnable. Voilà. Ouais, enfin, personnellement, je ne vais pas m'excuser de continuer à en lire aussi un peu. Il y a une autre démarche qui consiste à en écrire, en fait, et à vouloir retrouver. C'est les principes de Madeleine de Proust, en fait. Pourquoi on continue à aimer telle ou telle série, ou tel auteur, ou tel personnage, parce qu'on a envie de retrouver, effectivement, cette petite part, cette petite étincelle d'enfant qu'on a à l'intérieur. Après, je voudrais revenir sur un truc que tu évoquais, qui était le fait le cycle d'écriture, avec le fait que les histoires reviennent comme ça. Jean-Marc, cet après-midi, tu m'as raconté un truc à propos de Stan Lee et de ses scripts de western. Ça peut être intéressant d'en parler. Oui, Stan Lee est connu pour avoir développé ce qu'on appelle la méthode Marvel. C'est en gros, autour d'un café, il raconte ce qui va se passer au dessinateur. Et le dessinateur repart chez lui après avoir pris des notes. Et puis, il tombe les 22 planches. Et il les ramène et c'est Stan Lee qui fait les dialogues. Cette méthode-là, tout le monde en parle en disant c'est les années 60, mais en fait c'est une méthode qu'il utilisait déjà dans les années 40, quand il bossait avec des dessinateurs qui n'étaient pas loin et qui venaient dans les locaux ou même parfois au téléphone. Et il lui a même arrivé d'avoir des copies carbone de scénarios qui passaient à différents dessinateurs, c'était pour des westerns, c'était pour des histoires de monstres ou des histoires d'extraterrestres ou de romances. Et en fait, on s'aperçoit en lisant des séries, souvent c'était des anthologies, donc chacune des histoires était autocontenue, mais on s'aperçoit que c'était le même schéma, le même scénario qui se répétait quasiment au dialogue près à 6 mois, à 1 an d'intervalle. Donc effectivement, on est dans une logique comme ça où le lectorat, il est jeune, il est assez volatile, il se renouvelle. Donc effectivement, les jeunes lecteurs vont vers autre chose, ils changent de lecture, ils s'intéressent aux filles, ils commencent à bosser, enfin whatever. Et donc il y a des nouveaux lecteurs qui arrivent. Ce qui s'est passé dans les années 60 et 70, c'est que les lecteurs, ça correspond aussi à une période de l'Amérique où les jeunes vont plus à la fac pour des tas de raisons qui sont très bien expliquées dans Comics et Contre-Culture. En vente dans l'espace mais, de vente de livres. Mais notamment, effectivement, les jeunes sont moins vite confrontés à la nécessité de faire eux-mêmes leur pognon et de croûter tout seul, de bosser. Et donc, en fait, ils continuent à consommer des comics, entre autres produits, licites ou illicites. Et c'est pour ça qu'on a d'un coup plusieurs choses. La première chose, c'est que concrètement, les éditeurs se rendent compte qu'il y a des libraires qui font de la vente en magasin et de la vente par correspondance et qui inondent le territoire américain auprès de clients qui sont adolescents ou majeurs. Et en prenant conscience de ça, ils se rendent compte que leur lectorat vieillit. Ce qui fait que y a des instances gouvernementales qui vont contacter Stan Lee en disant votre personnage Spider-Man, il est lu par des adolescents, il a de l'impact et tout. Est-ce que vous pourriez faire une histoire sur la drogue ? Mais une histoire sur la drogue, à peu près à la même époque, il y en a une dans Green Lantern. Donc petit à petit, les scénaristes se disent mais tiens, attends, moi je ne m'adresse plus à des gamins de 8 ou 12 ans, je m'adresse aussi à des gamins de 15 ans, de 18 ans, etc. Et donc ça change. Une autre chose là-dessus qui se greffe, c'est qu'il y a une nouvelle génération de scénaristes qui arrivent. Et c'est des scénaristes qui se sont pris quoi ? Ils se sont pris le Summer of Love, ils se sont pris les manifs pacifistes, ils se sont pris certains carrément des mois passés au front, au Vietnam, etc. etc. Je pense à des Jim Starlin, à des Archie Goodwin, qui est un petit peu plus vieux, mais qui lui venait, je crois, du journalisme et qui en a vu des choses intéressantes, des mecs comme Engelhardt, comme O'Neill et tout ça, qui sont plus politiquement investis, impliqués. Et donc, ces gens-là, ils ont des trucs à dire. Ils se disent, un super-héros, réalistement, et là, on en revient à cette idée du réalisme, il est où le réalisme ? Est-ce qu'il est dans le gore ? Ou est-ce qu'il est dans un positionnement social ? Et je citerai qu'une seule histoire, qui est écrite par Elliot Magin et dessinée par Neil Adams, où Green Arrow se dit... Il y a des gamins qui sont en train de jouer dans les terrains vagues ou devant les trains parce qu'ils n'ont pas d'endroit où jouer, ils n'ont pas de parc, il y a des drogués, il y a des parents qui sont au chômage et tout. Qu'est-ce que je peux faire moi avec mon arc et mes flèches ? J'arrête et puis je vais me présenter à la mairie. Alors après, l'histoire s'arrête au moment où il va se présenter à la mairie. Mais c'est une histoire qui date, je crois, de 73 ou 74 et qui vraiment marque. Le moment où le lecteur il est plus vieux, mais les personnages aussi sont plus mûrs et l'encadrement éditorial il est plus mûr aussi. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va parler de politique, de drogue, de maladie. Il y a un épisode où Spider-Man va voir un gosse qui est son plus grand fan et à la toute fin, il quitte le gamin alors qu'il lui a révélé son identité et la caméra recule et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le gamin il est dans un pavillon pour enfants cancéreux en phase terminale. Et c'est effectivement on a vieilli avec les personnages et on les a fait vieillir. Est-ce que c'est une exigence des lecteurs qui ont manifesté en disant on veut plus de problèmes de société, je sais pas. Est-ce que c'est les mecs, ils ont flairé l'air du temps et ils se sont dit on va faire de temps en temps des histoires un peu plus dures. Mais voilà, la mort de Captain Marvel, pour ceux qui l'ont lu, il meurt pas des mains d'un super vilain. Il meurt parce qu'il a été irradié et il meurt d'un cancer. Et tout, en gros, grosso modo, le récit s'ouvre sur lui qui enregistre ses mémoires et ses potes qui lui disent pourquoi tu enregistres tes mémoires ? Attends, t'as 35 ans, c'est bon, quoi. Et voilà, j'ai un cancer. Et puis il se finit par il meurt. Et ça, quand on lit ça, moi je l'ai lu, j'avais à peine 11 ans, quoi. Et il n'a pas été ressuscité. Et lui, il n'a pas été ressuscité, contrairement à d'autres. Mais enfin, bon, ils ont toujours le voyé pour essayer. Oh, tiens, un petit voyage dans le temps, genre de choses comme ça. Mais on parlait de violence. La violence, elle est où ? Est-ce qu'elle est dans le gore ? Et on sait très bien que quand on est môme, on adore les films de gore. Même si on est comme ça, le regarder entre les doigts, on adore les films de gore. Donc, est-ce que c'est étaler du sang ou est-ce que c'est se dire, attends, on va parler sérieusement de choses sérieuses. Même si Spider-Man, il fait des blagues, autour de lui, il y a des gens qui ont des problèmes de thunes, qui ont des... Les Fantastiques... Deuxième ou troisième épisode, ils peuvent pas payer leur loyer, ils sont virés, quoi. En 62, c'est quand même costaud. Rien que ça, alors que Superman, Batman n'a jamais eu un problème de thunes. Tout d'un coup, ces gens-là, ils ont des problèmes de thunes. Ils sont confrontés au regard et à la limite au jugement de la société. Rien que ça. Et là, on se dit, ah bah oui, effectivement, les gamins, ils avaient peut-être 12 ans ou 8 ans quand ils ont lu ça, mais tout d'un coup, le héros, il était comme eux. Enfin, comme leurs parents, comme leurs voisins, comme voilà. C'est ça, ce côté adulte. Effectivement, après, il y a eu des dérives. Et puis après, se greffe le côté, comme disait Thierry, c'est une marque. Donc, on va la vendre. Donc, on va faire des crossovers. Marvel va être coté en bourse, DC aussi. On va appartenir à des gros groupes. Voilà. Moi, c'est un des trucs qui me fait fuir un petit peu l'univers des super-héros Marvel DC. C'est qu'à chaque fois que je tombe sur une série qui m'intéresse avec un scénariste qui a des trucs à dire, qui redynamise le truc. Les Justice League Dark de Jeff Lemire, je les adore. Qu'est-ce qu'ils trouvent moyen de faire? Ils foutent un crossover dessus, qui est pas mal, mais bon, c'est un crossover. Donc un crossover, en gros, c'est on prend plusieurs séries, on fait un gros événement, et puis en fait, l'histoire n'appartient plus tellement au scénariste, il appartient au groupe éditorial qui gère ce gros événement. Et puis depuis ce premier crossover, et ben la série, c'est que du crossover, et c'est une histoire en 18 parties, il faut acheter 4 séries, c'est complètement dilué, et la personnalité que les Mayer avaient réussi à mettre dans la série a complètement explosé. Et c'est ça qui m'ennuie, parce que je me dis, bon, ok, j'aime bien... j'aime mais bien où ça. S'arrêtera-t-il? Nulle part. Je t'en prie. Non, il faut que tu me baïonnes. Hein. On a déjà fait plus de la moitié. c'est ça qui, je pense, nuit, à mon avis, à l'intérêt du vieux fan. En revanche, le fan nouveau, on sait, les chiffres de vente américains le prouvent, Batman, ça vend bien quand il y a un crossover. Ça a été les chiffres d'il y a 2 ans sur le crossover de la Cour des Hiboux. Les chiffres américains l'ont prouvé. Ça vend mieux. Et tous les titres qui étaient concernés par le crossover de la Cour des Hiboux ont vendu 25% de plus. Alors, quand tu vends déjà très bien, tu es super content. Mais quand tu ne vends pas bien, tout d'un coup, pouf, tu as un pic de vente et tu maintiens ta série à flot. Donc, en plus, dans la chaîne... de production, il n'y a pas un mec qui va dire « Non, je ne veux pas rentrer dans le crossover. » Si jamais sa série est un peu tangente, le mec il va dire « Bah ouais, ouais. » Et donc, et c'est ça aussi qui... Parce que tu te dis, tu trouves un truc qui te plaît, mais tu te dis « Attends, peut-être que dans un an, ils vont me foutre un crossover et puis qu'ils vont gâcher le petit goût de cette série-là. » C'est ça qui, moi, me repousse un petit peu. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans ces univers de super-héros partagés, que ce soit Marvel ou DC, qu'évoquait Jean-Marc et dont on parle depuis le début, ce ne sont absolument pas les auteurs qui ont la main, d'accord ? C'est à nouveau les éditeurs. Un éditeur qui est à la tête d'une série ou d'un personnage ou d'un ensemble, d'un groupe de séries qui fonctionne bien, il reste en poste. Si ces séries se cassent la figure, il saute. Donc il y a aussi cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger quand on lit une pure série de super-héros, c'est qu'il y a des pures réalités économiques et sociales derrière. Oui, c'est une industrie. Je garde mon job, c'est une industrie. Absolument. Et s'il saute, les gens qu'il a recrutés risquent de sauter avec lui. Donc là encore, bah, tu fais sauter un éditeur, et bah, le scénariste il va partir, le dessinateur il va partir, etc. etc. Et ça s'est vu récemment quand il y a eu, sur toutes les séries Green Lantern, donc il y en a 4, tous les scénaristes sont partis en même temps. Ben volontairement, ils ont bouclé leur truc et tout, ils sont partis. Et la nouvelle équipe a été recrutée. Alors bien sûr, à l'heure d'Internet, on fait des annonces. Ah, Tartampion, il reprend Green Lantern, Bidule, il reprend Green Lantern Corps, etc., etc. Sauf que entre le moment où il y a eu les premières annonces et le moment où les trucs ont été officiellement mis en route, il y a eu des défections. Et on s'est aperçu, alors il y a les scénaristes qui ferment leur gueule et qui vont sur une autre série ou chez un autre éditeur, et il y a les grandes gueules qui racontent comment ça s'est passé. Et assez souvent, c'est du genre, ah ouais, mais attends, le gars, il m'appelle pour que j'écrive Green Lantern, et puis une fois que j'ai signé, bah, il m'impose une série qui ne correspond pas du tout au pitch dont on était convenu, et ça ressemble absolument à rien, et c'est pas pour ça que j'ai signé, grosso modo. Et là, on se dit, ok, c'est une industrie, c'est des rouages, on est chacun, on possède pas nos personnages et on fait partie d'une grande mécanique qui nous dépasse. Mais visiblement, il y a des problèmes des problèmes relationnels entre les gens parce que les éditeurs doivent être quelque part tiraillés entre les exigences venues d'en haut, qui sont peut-être pas formulées de manière très claire. Et qui sont en gros des exigences sur la grande stratégie à l'année ou sur 2 ans de qu'est-ce qu'on va faire de nos personnages, et puis quel film est lancé en production, et quelle série, et quel jeu vidéo, etc. Et puis en dessous, bah, y a les scénaristes et les dessinateurs qui arrivent avec leurs idées, leurs envies, leurs. voilà. Au milieu, il y a celui qu'on appelle l'éditeur, le responsable éditorial, qui essaye de concilier les deux, de vexer personne. Et quand ça part en live, il concilie rien du tout et il vexe tout le monde. C'est super compliqué, quoi. Et du coup, ça fait effet de caisse de résonance parce qu'on est à l'heure d'Internet et que nous, on lit ça, les forums en parlent, tout le monde monte ça en mayonnaise. À l'époque, nous, si on avait Scarce, on avait Strange, on avait... Voilà. Scarce, c'était un trimestriel. Tous les 3 mois, on avait 60 pages de nouvelles sur l'univers et l'actualité des comic books. Maintenant, on a 40 news par demi-journée. Et des morceaux de costumes de Flash. On va revenir sur l'illustration de l'évolution de nos personnages. Il y a une série qui est au cœur aujourd'hui de ce phénomène-là, de l'évolution des personnages. Et je vais redonner la place aux jeunes, puisque c'est une série qui vient de sortir. Ça s'appelle All New X-Men. Et en fait, elle confronte les X-Men des années 60 aux X-Men d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé entre les X-Men d'origine et les X-Men d'aujourd'hui ? Faut pas que je spoil, hein. Si, c'est une conférence avec spoiler. Vous okay. Est-ce que vous, qui n'a pas lu All New X-Men sans spoiler, donc. Le tout premier vient tout juste de sortir, là. Donc, en plus. On sait. Donc, il y a un personnage qui a vieilli, donc, qui a été créé quand même en 63, qui s'appelle Cyclope, des X-Men. Et je pense que vous le connaissez tous. Et c'était le leader des X-Men. Il y avait le professeur Charles Xavier qui était là, qui était le mentor. Et après, le leader des X-Men, c'était Cyclope. No spoiler. Ça va, là, c'était en 63. Donc, du coup, comme tous les héros, il a évolué. Il a eu son côté un peu méchant. Il s'est pris des claques dans la gueule, excusez-moi. Et du coup, il a eu beaucoup de problèmes. Et il est parti... là, je vais spoiler. Hein. Ouais, OK. Donc, du coup, il est parti de l'école de Charles Xavier... pour rejoindre Magneto, qui est le vilain principal de chez les X-Men. Et du coup, il décide de ramener les jeunes X-Men de 1962 dans le présent, l'époque de maintenant. L'époque de maintenant, ils ont tous des cicatrices, et se confronter Cyclope jeune à Cyclope plus vieux. Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui va se passer? Là, j'en dis pas plus. Mystère, la suite. À lire dans All New X-Men 1 qui vient de sortir. Ce qui est génial, c'est qu'on, en plus, dans le scénario, c'est qu'on revoit vraiment la mentalité de 1963, où on voit les jeunes X-Men qui sont vraiment simples. Enfin, ils sont très simples. Ils sont enfantins, ils commencent, ils ont 12 ans. Ouais, non, là, dans All New X-Men, ils disent qu'ils ont 12 ans. D'ailleurs, j'ai trouvé ça bizarre. Ouais. C'est Bendis qui avait bu, ouais. Voilà. Et du coup, on voit vraiment les jeunes qui sont innocents avec les plus vieux qui ont leurs blessures, leurs cicatrices. Et ils se confrontent tous, chaque équipe. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est une belle idée, une belle pirouette scénaristique, il faut l'avouer, c'est vrai. Ouais. C'est une tentative de concilier, de faire du neuf avec du vieux. C'est du culot. Le principe de fonctionnement des comics depuis 50 ans, quoi. En tentant de renouveler à chaque fois les thématiques ou les personnages, en les remettant au goût du jour. Là, c'est quelque chose qui n'avait encore jamais été fait, et c'est assez brillant comme idée, parce que quand c'est la première fois qu'une idée comme ça est mise en place, c'est fort. C'est une série qui bénéficie aussi de la présence d'un dessinateur et d'un auteur de BD hors pair qui s'appelle Stuart Timonen, et qui apporte beaucoup, beaucoup à la série aussi, il faut bien l'avouer. Maintenant, et puis l'un des personnages qu'on peut dire aussi sans trop spoiler, qui est vraiment le personnage central de toute cette intrigue, c'est Beast, c'est le fauve, en fait, parce que c'est lui le catalyseur, en fait, de tout ce récit et de tout le début de cette série. Tu vois, j'en lis encore. Ouais, je viens. Toujours dans l'évolution des X-Men, c'est un sujet qui tient à cœur à Chris. Je sais pas si tous les mots sont le bon ordre. Bref, c'est un sujet. Bref, que t'aimes bien. Dans l'évolution des personnages des X-Men, il y a Wolverine que nous, on connaît comme étant un personnage vindicatif, guerrier, qui sort ses griffes, qui tabasse 65 mecs par page. Enfin, c'est un vrai génocidaire, quoi. C'est qui le personnage Wolverine que toi, tu aimes et que t'as connu ? C'est pas celui-là. ce personnage-là, comme la plupart des héros Marvel actuels, me sont totalement inconnus, en fait. J'en lis plus du tout. Enfin bon, moi, je suis le type rétro en fait de la bande. C'est moi qui aime les comics des années 60, 70, 80. Et après, c'est le grand foutoir. Et en ce moment, c'est n'importe quoi. Enfin, justement, par rapport aux dérives dont je parlais tout à l'heure. Donc, de nos jours, il y a plus aucune cohérence. Et parce que les personnages ne sont plus respectés. Avant, il y avait une charte à la fois graphique et à la fois sur les tempéraments des personnages et tout ça. Maintenant, ça a complètement sauté et on fait n'importe quoi, comme par exemple ce que vient de dire Alex, où Cyclope aurait tué son mentor et rejoint Magneto. Je veux bien, bon, tout le monde change dans la vie. C'était quand même vachement plus simple quand tu avais un seul personnage dans une série tous les mois, plutôt qu'aujourd'hui un personnage qui est disséminé dans 10 séries le même mois. Oui, c'est vrai que Wolverine est directeur d'école, super-héros, X-Men, ouais. Vengeur. Et Wolverine, quand on l'a connu dans les années 70-80, c'était quelqu'un qui était très violent, comme on peut l'être tous. On a tous, en fait, ça exprime la violence contenue qu'on a en nous, la rage qu'on peut avoir de temps en temps. Mais bon, il n'est pas forcément souhaitable, quand on est en rage contre quelqu'un, d'aller le tuer, quoi, d'aller le dépecer. Et justement, Serval... Ne dépecez pas les gens quand vous êtes en colère. Disons que ce n'est pas très constructif, on va dire. Mais ce qui était bien chez Serval, parce qu'on l'appelait Serval à l'époque, c'est que justement, il luttait contre ses instincts. Et bon, ça donnait des situations qui étaient intéressantes. Et maintenant, bon, il est trip tout le monde. Comme je disais l'autre jour... Donc j'ai feuilleté une fois, il y a quelques mois, un Wolverine dans une papeterie. Bon, il y a 22 pages rouges remplies de sang. Je vois pas l'intérêt. Honnêtement, je vois pas du tout l'intérêt. Mais voilà. Il en reste un tout petit quart d'heure. Pour moi, les comics sont morts. De super-héros, tout du moins. Pas le reste, mais les comics de super-héros Marvel et DC. Enfin, personnellement, pour moi, ça n'a plus aucun intérêt. Non, par contre, oui, j'ai beau être rétro. Bon, je respecte, par contre, les comics actuels qui sont faits par des auteurs qui créent leur propre univers. Donc ça, je ne critiquerai jamais si c'est violent ou n'importe quoi. Peu importe, le gars, il crée sa série, ça, c'est respectable. Par contre, tout ce qu'on peut faire dans sa propre série, je ne pense pas qu'il faut le faire sur les super-héros comme Spider-Man et Superman. Quoi. C'est juste le truc, ma limite est là, quoi. C'est tout. Ouais, faut pas se tromper de débat aussi. Encore une fois, ces personnages-là n'appartiennent pas aux lecteurs, quoi. C'est terrible comme constat, c'est presque un peu cynique, mais ce sont des porte-clés. Quoi. Ce sont uniquement des personnages qui sont là pour servir de la vente de licence. Quoi. C'est devenu ça. Et c'est aussi ce qui explique peut-être cette dérive que tu évoquais. Quoi. Ils n'ont jamais appartenu au lecteur, même au début. Et justement, maintenant, on retrouve une série qui s'appelle Invincible, que tu publies, que tu édites. Et actuellement, plan. Et du coup, c'est vrai que c'est un adolescent, on peut le reprendre un peu comme Spider-Man, c'est un adolescent qui commence avec pas de pouvoir, il y a des pouvoirs qui lui tombent dessus, et qu'est-ce qu'il va en faire? Et il est très violent et très sanglant. Moi, personnellement, j'adore, mais c'est vrai qu'il est assez violent et assez sanglant. En fait, ce qui est intéressant avec la série Invincible, pour les gens qui ne l'ont pas lu, c'est qu'on revient à un postulat de départ qui est proche de celui qu'on pouvait trouver dans le Spider-Man des années 60. Il est au lycée, il a son identité secrète, il y a une histoire de triangle amoureux, il croise des super-héros, il se bagarre. Comme on est en 2010, bah, ça saigne un peu quand il se bagarre, alors que ça saignait peut-être un peu moins dans les années 60. Mais on est peut-être revenu à cette approche un peu adolescente du super-héros. Oui, alors c'est pas vraiment étonnant quand on connaît la personnalité de l'auteur, qui est le créateur de ce personnage-là, qui s'appelle Robert Kirkman, qui est aussi le créateur de Walking Dead. Ça, c'est pour la dose de violence. Mais enfin, moi, je stigmatise pas forcément un auteur. C'est vrai que la culture américaine, de manière générale, est plus apte à présenter la violence, par exemple, qu'un morceau de sein. Ça, on le sait bien aujourd'hui. Mais Surtout sur iTunes, ouais, ou sur Facebook. Mais en l'occurrence... Kirkman a été nourri, abreuvé pendant des décennies de comics Marvel, donc ses influences majeures, elles sont là. Quoi. Il a lu Stan Lee, il a créé effectivement Invincible comme étant une espèce de croisement entre Superman pour l'origine extraterrestre du personnage, et puis Spider-Man pour ce qui concerne le côté je suis un gamin et des super pouvoirs me tombent dessus. Alors il y a une petite différence, c'est que dans Invincible, effectivement, il sait que ses super pouvoirs vont arriver à un moment donné, puisque ça fait partie de son héritage génétique. Mais c'est une série qui est relativement intéressante parce que dans la logique de la réécriture d'une thématique qui est celle de Spider-Man, on la positionne dans un contexte qui est celui purement des années 2000. pour pas utiliser de gros mots, c'est vraiment une série qui a été marketée au départ comme étant vraiment le Spider-Man des années 2000. Mmh. Et ça, il le revendique, mais à juste titre, parce qu'effectivement, les ingrédients qu'on y trouve sont ceux-là. Après, Kirkman est un auteur dont on peut penser ce que l'on veut, et qui est un auteur malin et qui est un excellent auteur de soap. Et qu'est-ce qu'étaient les comics ? Effectivement, Marvel, par exemple, des années 60, si ce n'était du soap, avec effectivement un rendu de super-héros, mais c'était des comics de romance, finalement, ou des comics de vengeance, c'est-à-dire des thématiques de western, mais qui étaient transcrites dans un contexte de super-héros ou urbain, en l'occurrence. C'est quoi ? C'est le plus moderne des comics old school, finalement ? On pourrait l'analyser comme ça, effectivement. Mmh. Ouais. On retrouve le côté... Et là, tu dis, surtout dans le tome 1, maintenant on est au tome 12, c'est vrai qu'on le voit plus trop, on le voit plus aller au lycée, s'occuper de ses petits problèmes d'adolescent. Il les a plus, maintenant il a son identité. C'est un personnage qui a évolué très très vite. Bah, c'est un des choix justement. C'est génial. C'est ce qui est permis de faire lorsqu'on travaille sur des super-héros qui ne font pas partie des univers partagés Marvel et DC, c'est-à-dire qu'on est à même de les faire évoluer, ou de les faire vieillir, ou de les faire changer. Enfin, c'est un personnage qui... pour autant qu'on puisse considérer qu'un personnage de papier a une vie, qui a une vie qui n'est pas linéaire, effectivement, mais qui va l'amener à modifier son comportement en fonction des événements passés. C'est ce qui nous arrive tous dans la vraie vie, en général. Ce n'est pas le cas de Spider-Man, avec des cycles que l'on reboucle et on repart à zéro, effectivement. Invincible, au départ, c'était un adolescent qui découvre ses pouvoirs. Ses pouvoirs, une fois qu'il les a acquis, il continue, il s'entraîne, il les développe. Il devient super-héros à plein temps, il laisse tomber les études, il rentre en guerre avec la race extraterrestre de son père. On a vraiment une évolution comme ça. Et je ferai aussi un parallèle avec une autre influence majeure de Kirkman, ici, qui est Eric Larsen. Papa de la série Savage Dragon. Quand on connaît la série Savage Dragon d'Eric Larsen, on voit exactement le même type de schéma. C'est-à-dire qu'il a choisi, il y a maintenant une quinzaine d'années, de créer ce personnage-là dans le cadre de Image Comics. Et il a toujours écrit et dessiné cette série tous les mois depuis la création du personnage. Et on a un personnage qui vieillit quasiment en temps réel, qui a des enfants. Les enfants prennent la place du papa. Et on est vraiment dans une logique où l'auteur décide de ce qu'il veut faire de son personnage. Il veut le faire mourir demain, c'est fini, crac, au revoir, on arrête. Ça ne sera jamais le cas aujourd'hui avec un personnage issu de Marvel ou DC. Même s'ils meurent, ils reviennent, ce qui fait qu'on n'accorde absolument plus aucune importance et aucun intérêt à une mort, à une disparition. Batman se retrouve avec le dos cassé, mais c'est pas grave, il va être guéri et il va sauter comme un lapin de garenne 3 mois plus tard. C'est des choses qui rendent effectivement la lecture parfois un peu pénible, ou pas, parce qu'on peut très bien choisir de faire abstraction de ça. Moi, j'ai aucun souci avec les gens qui ont 50, 60 ans et qui continuent à lire du super-héros. Si c'est leur cas, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que moi, j'accroche plus, effectivement. Marc-Marc, Batman, on l'a expliqué que c'est un héros taciturne et que c'est le mot qui fait le plus rire Jean-Marc Lenné ce soir, visiblement. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de mode sur le retour un peu à du comics old school. Il y a The Mighty Thor de Chris Samnee qui est sorti il y a quelques mois en français, qui est de retour à quelque chose de coloré, de très romance, aux origines du héros. Il y a encore chez Delcourt, je crois. Merci les films aussi, hein, parce que on est en train. Tu parles de Thor ici, mais les films Thor racontaient à nouveau les origines, et donc on est reparti avec un cycle de narration où on va nous resservir une énième fois les origines, certes un petit peu revues et corrigées à la mode hollywoodienne, mais on nous resserre les origines. Sans revenir sur les origines, il y a un titre qui est sorti qui s'appelle Rocketeer, le cargo maudit, chez Delcourt, et qui est quelque chose de moderne, écrit par Mark Waid, dont on parle beaucoup ce soir. Dessiné par Chris Samnee aussi. Et qui est du coup, encore une fois, un comics d'aventure à l'ancienne. Du coup, c'est Indiana Jones avec une roquette dans le dos, finalement. Oui, enfin, Rocketeer, c'est un personnage qui a été créé au début des années 90 par Dave Stevens. L'œuvre d'origine de cet auteur d'exception qui, malheureusement, a disparu en 2008, un peu trop vite. C'était tout simement un espèce de chant d'amour des personnages un petit peu old school et d'aventure qu'il aimait quand il était gosse. C'est devenu très rapidement un film chez Disney dans les années 90 également. Et puis, il y a quelques années, ont été repris de nouvelles aventures sous l'égide de nouveaux auteurs, et notamment ce récit-là, et qui est un récit qui se suffit à lui-même. C'est une petite série limitée de 4 numéros qui ont été regroupés en un seul album. Et Mark Waid y a mis, je dirais, tout son amour à la fois des personnages d'aventure, mais aussi du cinéma hollywoodien des années 50. Et c'est un vrai bonheur, oui, c'est un pur bonheur, cette série. Est-ce qu'il y a une tendance aujourd'hui à revenir sur des comics un peu à la mode, old school, à la cool, décontracté, plein de cette... le mot ne me reviendra pas. Voilà. Le bon esprit de l'enfance. On est dans une logique de feuilleton. Donc le feuilleton se répète déjà. Et ensuite, tu as pendant longtemps eu des générations de scénaristes qui étaient des gens qui venaient d'ailleurs, d'autres métiers, d'autres professions, d'autres cultures, d'autres bagages. Et depuis pas mal d'années quand même, on a des scénaristes qui sont aussi des fans. Alors, ils ont pu passer par d'autres métiers, mais ce sont des fans purs et durs, ils connaissent très bien. Donc, quand ils travaillent sur leur personnage à eux, ou des personnages un petit peu isolés, comme Wade travaille sur le personnage de Stevens, la logique est un petit peu différente. Mais quand ils travaillent sur des personnages qu'ils ne possèdent pas, qui existaient avant leur naissance et qui leur survivront, ils profitent justement de cette capacité à recycler des choses pour revenir à des idées, une tonalité, des personnages, des enjeux, des intrigues qui les ont fait kiffer quand ils étaient gamins. Donc après, ça donne des trucs souriants, des trucs pas souriants, mais Grant Morrison, d'une certaine manière, quand il réécrit Superman dans All-Star Superman, il va chercher toutes les idées farfelues des Superman des années 50. Et il va en tirer une espèce de nouvelle magie avec une narration moderne, Mais il va faire la même chose avec Batman. Et il obtient tout l'arc Batman Rest in Peace, où il va extirper moderniser des idées saugrenues des années 50 et les intégrer dans une continuité plutôt que dire non, ça n'a jamais existé. Batman sur des planètes avec des monstres orange et pourpre, ça n'a jamais existé. Non, ça a existé. Mais je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, on est fatalement dans cette logique de cycle favorise la capacité des scénaristes à récupérer des vieux trucs. Et bien sûr, de temps en temps, ils vont faire une histoire plus légère, quelque chose d'un peu plus light et tout. C'est des mouvements de va-et-vient. Hein. Quand on est de temps en temps, on est trop joyeux, et ben il y a des mouvements comme ça où on va vers du sombre. C'est la période de Miller, c'est la période de Moore dans les années. C'est Watchmen, c'est Dark Knight, c'est les années 80. Et puis de temps en temps, on revient dans l'autre sens et on refait des trucs un peu plus joyeux. C'est pour ça que après, quand tu disais, est-ce qu'on peut montrer ça à un gamin de 8 ans? Ça dépend quoi? Ça dépend par qui? Ça dépend quelle série? Ça dépend écrit comment? Il y a des trucs qui datent des années 80-90 qui sont graphiquement, qui sont pas old school du tout. Il y a des trucs en revanche des années 90 qui sont vachement plus illisibles que des trucs des années 60 ou 70. Ça dépend. Alors après, moi, je te dirais, j'en sais rien, montre-moi le gamin, dis-moi ce qu'il lit et je te dirais s'il peut lire. Est-ce qu'il a l'air équilibré, tout ça ? Non, mais c'est... Oui, Spider-Man avait été pris par Todd DeZingo et Mike Wieringo, et ils avaient retrouvé, alors que c'était la période de la grande saga du clone, avec c'était très sombre, très crispé, très paranoïaque et tout. Et au milieu, eux, ils prenaient une série... Et puis, c'était coloré, c'était enlevé, c'était drôle, c'était souriant, il y avait des blagues, mais qui n'étaient pas des blagues genre « Attention, je fais une blague !» C'était léger, ça rentrait dans la caractérisation du personnage. Donc, tu en trouveras tout le temps. En plus, c'est quand même des éditeurs, pour parler des deux gros, c'est des éditeurs qui publient 50-60 comics. Donc, ensemble, ils sont à 100, 120, 140 comics par mois. Donc, fatalement, dans l'eau, tu vas trouver des trucs. Si tu aimes les trucs dramatiques... crispé, sombre, violent et gore, là c'est sûr tu vas en trouver. Mais si tu veux des trucs plus fantaisistes, plus lumineux, plus de l'aventure, du dépaysement, du voyage, tu vas en trouver aussi. Il nous reste à peu près 4 minutes. On va devoir faire un effort de concision et dans quelques minutes, je vais vous poser la question. Les super-héros ont-ils perdu leur âme d'enfant ? À laquelle il me faudra une réponse simplement par oui ou par non. Et le temps que je me retourne vers le public et que je vois s'ils ont des questions à vous poser, je vous propose... de répondre à une question essentielle, car vous ne serez pas venu pour rien ce soir. Jean-Marc, pourquoi les super-héros portent leurs slips par-dessus leurs pantalons ? Parce que ce sont les héritiers des catcheurs et des boxeurs. Et des lutteurs de foire. Ils viennent du monde du spectacle, ils viennent du monde de la foire, du cirque et de la boxe. Et quand tu regardes les super-héros, bah, tu regardes Robin, Daredevil, tous ces gens-là, ils viennent de ces milieux-là. C'est tout, c'est un héritage graphique qui vient directement de là. Des Hercules de foire. Sur ton micro, tu ne peux rien rajouter. Mon petit Thierry. Non, il ne les porte pas forcément au-dessus. Voilà. C'est le moment propice aux questions dans la salle, bien sûr. Si vous avez des questions pièges à soumettre à nos invités, c'est le moment de le faire savoir. Je vois qu'il y a des volontaires qui se bousculent à peu près nulle part dans cette salle. Nous avons une question d'un petit monsieur sur la droite, ma droite, pas votre droite, évidemment. Je vais donc pouvoir me déplacer et vous céder le micro. Bonsoir, il faut que vous parliez bien dans votre... Merci. Alors, vous parliez tout à l'heure de Batman qui était plutôt taciturne, etc. Est-ce que justement le fait qu'il utilise énormément de gadgets, de gadgets, ou même Iron Man qu'on a vu tout à l'heure en film, est-ce que ça pourrait pas être justement une petite part d'enfance que nous, quand on est gamin, on a des tas de jouets aussi. Et ça, est-ce que tous ces gadgets-là, c'est pas une façon pour lui d'exprimer une petite part d'enfance ? Alors, pour aller dans votre sens, je citerai un scénariste américain qui s'appelle Chuck Dixon, qui a eu la chance et le bonheur de travailler d'abord sur le Punisher et ensuite sur Batman, et qui disait finalement, ces types-là, ils ont eu en gros le même traumatisme. Batman a perdu ses parents, et le Punisher a perdu sa femme et ses enfants. Sauf que le drame n'est pas arrivé au même moment. Batman, Bruce, il était tout gamin, alors que Frank Castle, il était adulte. Et donc, ils ont réagi en gamin, pour Bruce, qui s'est caché dans sa cave, entouré de ses jouets et de ses gadgets, alors que Frank, il a réagi en adulte, un peu comme Bronson dans Le Justicier dans la ville. Il a pris un flingue et il est allé tirer les mafieux comme les pigeons à la foire. Et je crois que c'est un truc vous avez raison de le dire, et c'est un truc qui définit bien les personnages, c'est-à-dire que quelque part Batman, même s'il sourit pas et qu'il est très je suis pas content, quelque part il y a le gamin qui parle encore en lui, et c'est pour ça qu'on a régulièrement dans les films, dans les BD, dans les cartoons, on a des flashbacks sur son enfant. Je crois que Batman, il sourit pas parce qu'il a pas de super pouvoir, donc il fait un peu la gueule. Et ça le fait ça, chier. Il a que ses jouets, lui, en fait. Et des belles Batmobiles. C'est vrai qu'il y a des belles Batmobiles. Mais enfin, avec Batman, quand même, il faut avoir une chose, c'est que le chauve-souris, quoi, quand même. Alors, je vous remercie de ne pas avoir de questions, car ça vous nous permet de tenir la pendule, et c'est un exploit. Comme dans tous les bons films de super-héros, je vais vous faire le générique, et la scène post-générique sera la réponse à notre question. Puisque j'ai beaucoup de merci à faire et que je tiens à ce que vous restiez avec nous. J'ai pris une feuille pour n'oublier personne, et je vais forcément oublier quelqu'un, donc je vais me faire des ennemis. Merci donc à Julie et au Grand Atelier qui ont accueilli cette soirée à la fac. Merci à la librairie. Si vous applaudissez tout le monde, on ne va pas tenir les délais. Merci à la librairie Bulle, donc au Mans, qui a accueilli cet après-midi une dédicace de Thierry et Jean-Marc. Merci à la librairie Doucet qui vous vend des bouquins dans le hall et qui accueillera une autre séance de dédicace demain de 13 à 17h avec Chris Malgrin et Thierry Mornay. Merci à la Malapita qui vous a peut-être nourri ce soir. C'était bon. On avait des partenaires médias, LMTV, Canal 33 de la TNT et France Bleu Maine 96 FM. L'équipe du site T-Card Geek qui a filmé cette conférence et qui va pouvoir la foutre en ligne pour les quelques personnes qui ne sont pas venues, parce que c'est vrai qu'on a quand même réuni un nombre de monde incalculable, surtout si on compte aussi les gens qui ne sont pas venus. Et puis enfin, évidemment, merci d'être venu assister à cette première soirée super-héros. Merci d'être venu, merci d'être resté. Ça devrait être la première. Il y a un site dédié à tout ça, soireesuperheros.com. Si vous allez régulièrement consulter ça, ou la page Facebook qui va s'ouvrir, vous pourrez savoir les dates de nos prochains événements ici à Ève, au Pâté, au centre-ville du Mans. Et puis dans plein d'endroits en Sarthe, puisque le but, c'est de continuer à parler des super-héros. Pour moi, c'est fini. Bonne soirée. Les super-héros ont-ils perdu leur âme d'enfant ? Je sais pas. Oui. Oui. Oui, oui. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je dirais oui, parce que les lecteurs, enfin, beaucoup de lecteurs ont perdu leur âme d'enfant aussi. Ils ne veulent plus voir ça, ils ne veulent plus les lire avec un œil d'enfant, mais avec un œil d'adulte. Donc moi, je pense qu'il faut on peut lire n'importe quoi, mais avec le côté émerveillement de l'enfance, c'est pas mal, ça reste bien. Oui, moi personnellement, je pense que. Je ne suis pas sûr que ce soit très important de savoir si les super-héros ont perdu leur âme d'enfant, mais ils ont quand même, il faut le reconnaître, une vraie capacité à se renouveler pour s'adresser justement à un nouveau public, et notamment à un nouveau public d'enfants. C'est ce que parviennent très bien à faire les studios Disney aujourd'hui en proposant l'univers Marvel redéfini au cinéma. On voit les minots, on voit les gamins qui accrochent énormément. Je reviens sur une petite anecdote, c'est quand on lit le premier Iron Man, qui est sorti en 64, ça se passe pendant la guerre du Vietnam. Et maintenant, quand on voit le film Iron Man 1, Afghanistan. Ça se passe en Afghanistan. Donc ils remettent vraiment tout au goût du jour. Oui, moi je pense que pour rebondir sur ce que disait Chris, les super-héros n'ont pas perdu leur âme d'enfant tant que le public n'a pas perdu son âme d'enfant. Et j'ai l'impression que les super-héros, ils sont sortis des pages des comics. Et quand je suis allé voir Avengers la première fois, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu des gamins avec les yeux pleins d'étoiles, mais j'ai vu les papas aussi et les mamans avec des yeux pleins d'étoiles qui partagent ce côté féerique, quoi, ce côté lumineux et coloré. Donc je pense que là encore, ça dépend des héros, ça dépend des gens, ça dépend des auteurs, mais il n'y a pas de raison qu'ils perdent leur âme d'enfant. Et c'est l'heure de la standing ovation. Merci. Merci à Matt, parce que c'est lui qui a organisé tout ça.